Guillermo Gros. Ah, ouais. Ça va les amigos? Yeah. Ouais, non, pas trop. Bon, déjà, je voudrais m'excuser auprès de Reda Kateb et Vincent Cassel parce que j'ai pas pu voir le film. Apparemment, la projection était interdite aux Belges. Mais non. Parce que Lila Kadour Boudadi a qualifié publiquement de très belle initiative, qui, je cite, mériterait d'être étendue au studio de France Inter où les bouffeurs de moules commencent à nous chier dans les cartilages. Fin de citation. Ça, c'est vrai. Ah, ils ont dû être contents à l'heure actuelle. Hein. Vous ouvriez enfin votre cœur, Lila. Vous en avez quand même 4 pages, franchement, et les mêmes bonnes adresses. J'ai pas vu Hors Norme et ça me donne envie de crever dans une moustache parce que tout le monde m'a dit que c'était incroyable. Je sais plus si c'est Fred ou Albert qui m'a dit Reda et Vincent, ils sont formidables pour des acteurs non professionnels. Et c'est vrai que dans la vie, Reda, il est informaticien, Vincent, il est manager de chiens de combat, tu vois. Donc, tout d'un coup, il se retrouve propulsé sur un plateau de Cinoche avec un texte, t'imagines ? Cinoche, t'as pas les codes, c'est vraiment. Tu vois, il y a des gens sur le plateau, tu sais jamais qui est qui. T'es là, et vous êtes qui, vous, monsieur ? Ah, moi, je suis deuxième assistant en câblage électrique. Ah, et vous ? Ah, moi, je suis le réalisateur. Ah, bon, super. C'est vous qui faites les travaux, le travelling, etc. Et donc, en plus, ils sont deux, les réalisateurs ici, Toledano et Nakash. Là, très bien, ok, mais qui est Toledano ? Qui est Nakash ? Hein, au moins, les frères Cohen, c'est facile. Tu te rappelles pas qui est Ethan, qui est Joël, peux dire ça va Cohen, et au moins t'es toujours dans le bon. C'est marrant d'être à côté de Vincent parce qu'on s'était croisé dans un chenil l'autre fois parce qu'il venait acheter un American Staff pour le boulot. Moi je revendais mon bichon, je trouvais quand même un peu agressif quand il avait faim. Et Vincent, il m'avait fait toi le ciné, il m'a dit t'y penses. J'ai dit oh, le ciné, Vincent, le ciné. Tu sais, moi, j'en ai pas vraiment besoin du ciné, hein. C'est pas comme toi. Tu vois, moi, je touche assez les Français avec mes chroniques. Hein. Les Français, ils m'écrivent, font me dire Ernesto, te disperse pas, tu vois, continue à nous toucher, Ernesto, touche-nous, tu vois, touche-nous. Et je suis là, arrêtez les Français, arrêtez. Et vraiment, donc, j'avais jamais fait de ciné. J'avais même refusé tout ce qu'on m'avait, proposé, même un beau second rôle dans J'aime la plomberie, mais pas que. Le premier film de Nel Morin en tant que réal, c'est une comédie porno avec le chien qui jouait dans Benji. Franchement, c'est direct en DVD. Mais la saison passée, ma pote. Il y a ma pote Mel Habedia qui m'appelle pour me dire voilà, je fais mon film, ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses un petit rôle dedans quoi. Et pour le coup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je réponds bah si t'as un petit rôle pour moi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir ça avec mon agent, comme tout le monde, et t'arrêtes de me déranger pendant que je regarde l'affaire conclue. Putain, voilà, c'est évidemment, tu respectes. Mais bon, j'adore Mel Ha, du coup, je vois quand même avec mon agent, et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas d'agent, donc j'accepte de jouer dans le film. Et en tête, j'avais les mots de Catherine Deneuve que j'adore qui disait quand même le cinéma, ça me casse les couilles, mais ça me paye au moins mes cours de tir. Donc, je suis à fond quoi, c'est ma toute première expérience ciné, sauf que dans la nuit qui précède le tournage, vraiment je tombe malade et j'arrive sur le plateau, dans mon nez, c'est quoi, il y a 19 kilos de morve et une équipe de cimentiers, franchement, et comment vous dire, déjà en temps normal, on comprend pas ce que je dis, vraiment, donc je salue d'ailleurs mon orthophoniste, revenez Nicole, ça fait depuis 2016, j'attends mon rendez-vous, vraiment, mais là, c'est un enfer, il y a Valérie Le Mercier sur le plateau, il y a ma copine Melha, il y a la réalisatrice, et moi j'ai de la fièvre, je parle du nez, et ma première réplique c'est, on t'a déjà dit que t'étais trop fraîche. Ouais. La dernière étant, j'ai envie qu'on aille aux chiottes et que tu t'assoies sur mon visage. Ah, mais ça va pas, non? Bon, ben je crois qu'il faut m'avoir fait un BTS voyance pour savoir ce qu'il est advenu de ma prestation. Hein. Ça commence par couper, ça finit au montage. Hein. Et je crois que c'est ce qui pourrait arriver mieux à ce film qui s'appellera Forte. Et je vous souhaite autant de succès qu'à Hors Norme. Allez, bonne émission, les amis. Bravo, Guillermo. France Inter.